son cœur. Croyez en son saint amour qui est. Croyez en son saint amour qui libère. Au bon Dieu, merci de m'avoir sauvé. Tu sais que je suis ton père. Sois l'air, sois l'air.